La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, que veut dire faire le vide ? Faire le plein est une opération qui se conçoit sans difficulté. Il suffit de passer à la pompe, à la condition toutefois que la pompe en question ne soit pas une pompe à vide. Mais faire le vide, qu'est-ce faire ? Ou qu'est-ce cesser de faire ? On devine que ce n'est pas le simple contraire de faire le plein, qui consisterait à rouler en voiture jusqu'à ce que la jauge du réservoir indique qu'il s'est vidé. Faire le vide, a priori, ce n'est pas simplement tomber en panne sèche. Alors qu'est-ce au juste ? À coup sûr, une épine dans le pied et de taille. La difficulté ne provient pas du limpide verbe « faire », mais de l'énigmatique substantif « vide ». Qu'est-ce que le vide ? Un équivalent du néant ou du rien, répondra-t-on par réflexe. Le lieu de l'absolue vacuité, de la béance intégrale, dira-t-on en se croyant un peu plus inspiré. Mais le vide existe-t-il seulement ? Cette question a été l'enjeu d'intenses controverses depuis des millénaires. Elle est d'autant plus compliquée qu'au mot vide sont attribuées des significations fort différentes. Le vide qu'on fait autour de soi en allumant un cigare n'a guère à voir avec la vacuité bouddhiste ou le néant hindouiste, ni avec celui qu'on réalise dans un tube prétendument à vide, ni avec le vide psychologique dont on fait l'expérience lorsqu'on s'ennuie, ni avec celui à la fois rempli d'air et vertigineux qui excite l'alpiniste. Quant au vide que les physiciens appellent quantique, c'est une toute autre chose. Un milieu très spécial, où se côtoient toutes les virtualités concevables, truffées d'étranges particules à la fois présentes, mais pas tout à fait réelles. D'où il ressort que faire le vide est une expression décidément bien difficile à cerner. On comprend intuitivement qu'il ne saurait s'agir de faire le néant, même si les mots vide et néant sont souvent confondus. Faire le néant équivaudrait à supprimer l'univers tout entier, ce qui constituerait une entreprise apocalyptique et par trop présomptueuse, surtout si on définit le néant au plus ras de lui-même, à la manière de Raymond Devos, un trou avec rien autour. Il ne saurait s'agir non plus de ne rien faire, de devenir fainéant, bien que cette entreprise soit davantage à notre portée. Au demeurant, ne crée-t-on pas un paradoxe en accolant le verbe « faire », qui suppose une action, au mot « rien », dont le surgissement vient aussitôt abolir toute action. Bref, rien de tout cela n'est franchement clair. Et si, pour mieux comprendre l'usage que nous pouvons faire du vide, nous faisions un pas de côté, en nous intéressant à ce qu'en dit la philosophie chinoise, à défaut de le définir, ne nous propose-t-elle pas un bon usage du vide ? Pour répondre à cette question, j'ai invité Romain Graziani. Bonjour. Bonjour, bonjour Étienne. Bonjour, vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de paraître aux éditions Gallimard qui s'intitule « L'usage du vide ». Donc j'attends de vous que vous répondiez très précisément à la question. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Lyon, je crois. Oui. Et oui, vous êtes spécialiste de philosophie chinoise, notamment antique. Et ma première question posera sur les motivations qui peuvent conduire un jeune philosophe à s'intéresser à la Chine. Chez moi, elles sont tout à fait contingentes. La nécessité vient avec le temps. J'ai appris le chinois par jeu, mais j'ai toujours appris des langues facilement. Et je me suis pris au jeu. Devant des études de philosophie qui ne menaient pas à grand-chose à l'École normale supérieure, j'ai voulu explorer l'histoire intellectuelle du monde chinois. Comment ça ne mène pas à grand-chose à l'École normale supérieure ? C'était une époque où l'histoire de la philosophie régnait en maîtresse absolue sur les études. Nous étions confinés à l'étude sèche de Kant ou de Husserl. Je n'avais pas envie de rajouter une énième note de bas de page à des manuscrits qui ne faisaient que me rendre plus sec. J'aimais la poésie, j'aimais la littérature, mais je m'enfonçais dans la logique, l'épistémologie et la philosophie des sciences. Et seul à l'époque, le chinois me tirait vers d'autres formes de pensée et avivait mon imagination. Donc vous comprenez les idéogrammes ? Je lis les idéogrammes. On me demande souvent si, en tant que professeur d'histoire intellectuelle de la Chine, je parle chinois. Je pense qu'en fait, c'est une question qu'on ne réserverait pas à un agrégé d'anglais ou à un professeur d'italien. Alors, vous êtes un spécialiste de beaucoup d'auteurs chinois, notamment de Zhuangzi. Oui, Zhuangzi. Ah, quand je prononce mal, Zhuangzi. Alors, Zhe, ça veut dire le maître. C'est ça. Donc, c'est maître Zhuang. Maître Zhuang. Le Zhe est une appellation honorifique. On pourrait très bien se passer du Zhe et dire simplement maître. Ça serait plus clair pour les auditeurs. C'était un contemporain d'Aristote. Il a vécu à 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est bien ça. Et qu'est-ce qu'on sait de sa vie? On en sait très peu, on a quelques lignes biographiques qui peuvent être de toute façon suspectes, qui ne sont corroborées par rien. À vrai dire, les histoires sont à peu près indigentes et il faut lire le Zhuangzi pour en retirer de soi-disant éléments biographiques. Le problème, c'est que Zhuangzi a été l'objet de légendes, d'histoires et d'anecdotes que l'on projette dans sa biographie parce qu'on ne connaît rien. Mais quand vous dites lire Maître Zhuang, ça veut dire lire en chinois ou les traductions sont-elles disponibles et de qualité? Alors, c'était évidemment lire en chinois et c'est aussi céder des commentaires de l'ère classique et contemporaine à propos du sens parfois douteux d'un caractère ou d'une phrase qui est corrompue textuellement parce qu'elle a mal survécu ou bien de rapprochement et d'élucidation philologique. Bien entendu, on recourt tous au texte ancien tel qu'il a été établi, tel qu'on le retrouve dans ses premières formes. Alors, dans votre livre qui s'intitule, je le rappelle, L'usage du vide, vous parlez du vide, mais pas seulement, vous parlez aussi des paradoxes de la volonté, de la volition. Est-ce que vous êtes détendu? Si vous ne me posez pas la question, je suis détendu. C'est comme le bonheur. Si vous me demandez si je suis heureux, je vois beaucoup de raisons de ne pas l'être. Mais je le suis généralement quand je demeure dans une forme d'inconscience. Voilà, partons du principe que vous êtes détendu. En tout cas, vous semblez détendu. Si vous n'étiez pas détendu, que feriez-vous pour le devenir? J'essaierai de me concentrer sur un objet tout autre que la nécessité de me détendre. Autrement dit, c'est l'idée que vous défendez en donnant de nombreux exemples dans votre livre. Le plan, en général, le plan qui essaie d'obéir à la volonté, se déroule parfois d'une façon complètement imprévue, non pas parce que nous ne l'avons pas bien exécuté, mais parce qu'il y avait un plan. Autrement dit, le fait de désirer quelque chose peut nous empêcher, dans certaines conditions, de l'obtenir. C'est bien ça, dans certains domaines. Si vous voulez construire le tunnel du Mont Blanc, il vous faut un plan, beaucoup de volonté, il faut planifier de façon extrêmement calculée. Je n'interviens pas dans ce domaine des actions techniques ou matérielles. J'essaye de montrer en revanche que lorsque nous essayons d'atteindre les choses qui sont pour nous le plus enviables, le plus désirables, alors les plans que nous mettons à exécution nous mettent dans une position de porte-à-faux, opère une sorte de pression ou de compression de la volonté et nous sépare des ressources agissantes de notre corps de la façon souvent la plus catastrophique, d'où les embarras de la vie quotidienne. Donc vous critiquez, ou disons vous montrez les limites de ce que vous appelez une certaine éthique musculaire de la volonté. Oui, j'essaie de montrer la position absurde qui, devant l'échec, s'efforce, se contracte, se tend et réessaye toujours de la même façon. Je ne suis pas contre l'effort, je ne suis pas contre l'intervention de la volonté, mais j'essaye de déceler le schéma qui nous fait agir toujours de la même façon, comme si la causalité linéaire de la volonté à son objet était l'unique moyen que nous devrions emprunter. Alors, on va quand même un peu parler du vide. Qu'est-ce que c'est que le vide dans la philosophie taoïste, par exemple? Est-ce que ça correspond à ce qu'on appelle, nous, en Occident, le vide? Ou est-ce que il y a un effet de projection qui fait que quand nous traduisons un mot chinois par le mot vide, on projette notre conception du vide dans la pensée de gens qui en avaient peut-être une toute autre? Votre question, Étienne, me met dans l'embarras parce que comme j'ai lu attentivement votre livre, je vois que les conceptions du vide, même en Occident, ont tellement varié que le problème de la lumière, de la mobilité des corps dans l'espace, le problème de choses toujours à retirer dans l'espace et le voisinage dangereux du vide et du néant m'empêche d'avoir une définition monolithique du vide. Mais c'est le même mot. C'est le même mot et en chinois c'est le même mot. Mais j'ai envie de dire pour c'est comment en chinois su. Voilà. Le vide c'est su. Voilà. le vide comme dans votre approche de la physique moderne. Le vide, tel qu'il est élaboré dans la cosmologie taoïste, il déborde d'énergie. Il est tout sauf un néant, et faire le vide, c'est toujours en fait faire le plein, pour rebondir dialectiquement sur votre première opposition. Faire le vide, c'est faire le plein, c'est-à-dire c'est empêcher de se retrouver à vide, si je puis jouer un peu sur les mots, sans verser dans la totale vacuité. Mais cet état de vide, ou faire le vide, qui est cette expression par laquelle nous avons démarré cette conversation, c'est obtenir une restauration de ses forces profondes. C'est se ressourcer par cet acte d'évidement, de désencombrement de la perception, de la conscience réflexive, de la fixation obsessive sur un but pour laisser des ressources agissantes plus profondes qui échappent partiellement au domaine de la conscience nous réorganiser dans notre activité. Bon, c'est très profond, ça laisse entendre une sorte de correspondance secrète entre le vide quantique et le vide au sens que vous venez de rappeler. Le vide quantique aussi est truffé d'énergie, il contient toutes les potentialités de la matière. Oui, oui, c'était ma subtile allusion sans me risquer dans ces eaux dangereuses. Mais alors, qu'est-ce que c'est, pour donner un exemple, la recette du vide façon Tsin, si j'ose dire. C'est un exemple que vous donnez dans votre livre. Tsin était un charpentier qui voulait faire un ouvrage absolument parfait. Il a abouti à un ouvrage absolument parfait, probablement parce qu'il n'est pas parti de cette idée initiale. Il a reçu une commande de son seigneur, et comme tout artiste qui se voit commanditer un objet, il s'est au départ mis dans un état de pression ou de nervosité, sachant que le regard, l'éloge, l'appréciation critique, les appréciations diverses sur ses gestes, sur sa façon de travailler, pourraient le paralyser. La première chose pour soulager son angoisse, ça n'est pas de se mettre au travail en essayant de faire le mieux possible, c'est de se vider de tout contenu représentationnel, de toute idée, de toute image du monde extérieur qui pourrait gauchir son action et mettre sa volonté en état d'empressement. Il se livre à une sorte de jeûne, il s'évide de tous ses contenus de conscience et lorsqu'il se sent suffisamment disponible, vacant et ouvert, alors il commence à se promener en forêt pour repérer le bois, son matériau de construction idéal, l'essence parfaite de l'arbre, à partir de quoi le travail d'ordre purement technique découle ou coule de source. Donc il regarde les arbres. Il regarde les arbres. Donc ça veut dire que faire le vide n'est pas vouloir faire le vide. Parce que si on veut, le seul fait de le vouloir empêche qu'on le fasse. Le problème, c'est de se représenter à l'avance l'état de vide avec ce mot, avec des images fausses qui tendent à faire du vide un objet vers lequel on voudrait tendre comme vers n'importe quel objet. Il faut comprendre que c'est un milieu, que c'est une dimension et qu'elle surgit de façon fortuite et qu'on ne peut pas se concentrer dessus comme si c'était la destination au terme d'un trajet que l'on pourrait maîtriser. Alors si on peut résumer cette idée avec un peu plus de formalisme, on dirait, là je vous cite... Vouloir et pouvoir semblent se situer dans une relation directement antagoniste. La représentation d'un état A tend à causer un désir B et une action C, alors même que C, sous l'influence de B, tend à détruire A. C'est infernal. Oui, c'est infernal. Alors, j'essaie de prendre l'exemple très parlant de quelqu'un qui doit apparaître détendu et souriant devant une caméra ou un appareil photo. Alors, les choses s'empirent si le photographe lui dit « Souriez, soyez détendu, ayez l'air riant, ayez l'air radieux, ayez l'air à l'aise. » Alors là, on se livre à des contorsions ou des grimaces faciales souvent pathétiques, à moins d'être évidemment un comédien expert ou un mannequin de haute volée, alors que un photographe plus sagace ou plus judicieux essaierait d'entraîner son modèle vers une forme de plaisanterie, d'humour ou d'attention qui le fasse naturellement sourire. Alors on va donner des exemples, mais vous parlez des états optimaux et je vais vous demander de définir ce que vous appelez un état optimal. Mais moi j'ai essayé d'utiliser votre recette, si j'ose dire, dans la préparation de cette émission. Je voulais que cette émission soit réussie. Et en vous lisant, j'ai compris que si je voulais qu'elle soit réussie, il fallait que je n'y pense pas trop. Du coup, j'ai quand même travaillé un peu, mais en faisant autre chose. Alors on va voir si le résultat... j'ai essayé de mettre à l'épreuve votre philosophie, finalement. Oui, vous pouvez, évidemment, vous dites « Ah, je vais faire une émission avec Romain Graziani, le sidologue ». Bon, évidemment que vous voulez que l'émission soit réussie. Voilà, par exemple. Vous pouvez faire plein d'autres choses. Vous pouvez me lire à l'envers ou essayer de trouver des anagrammes cryptiques dans chacune de mes formules. Mais vous pouvez vouloir que l'émission soit réussie, mais vous pouvez aussi vous abstenir de mettre en œuvre un plan trop précis et des pensées trop nettes pour vous figurer la façon dont l'émission sera réussie. ici et vouloir contrôler toute la séquence temporelle qui va nous mener jusqu'à la fin de l'émission. Mais c'est ce que j'ai fait, j'ai pas mis d'ordre à mes questions, pour une fois. Voilà, vous restez dans une certaine expectative et donc dans une certaine ouverture. Bon, on va voir si ça donne un état optimal à la fin. Alors qu'est-ce que c'est qu'un état optimal? L'état optimal, alors ce sont les états, tout simplement, les meilleurs, ceux qui nous apparaissent les plus désirables, ceux qui font partie intégrante de ce qu'on appelle, de ce nom vague, de bonheur. Un état d'aisance, de fluidité dans l'action, de détente harmonieuse, de bienveillance et d'amour irrépressible pour autrui, d'hilarité. De sommeil. Voilà, de sommeil, je dirais le sommeil du juste, pas un sommeil assuré et nerveux, mais une sorte de détente profonde. Tout cela, ce sont des états optimaux qu'il est très difficile, voire impossible, de susciter directement par un acte de volonté et dans lesquels la conscience réflexive ne crée que des interférences malencontreuses. Le seul fait de les intentionner, dites-vous, les rend hors d'atteinte. Donc il ne faut pas les vouloir pour les obtenir. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase de Woody Allen à propos du bonheur? Il dit « Qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux ?» C'est-à-dire, je peux avoir une idée du bonheur, je veux l'atteindre, mais quand j'exprime cette idée, que je la décris, alors je constate tout ce qui me manque pour l'atteindre, de sorte que la perspective du bonheur se représente comme une sorte de travail à accomplir. Ben voilà une exégèse intelligente à ce qui apparaît chez Woody Allen comme une tautologie. Je n'ai rien à ajouter, juste à sourire avec vous. Alors qu'est-ce que... Il faut que je trouve du coup, Romain Graziani, un peu d'ordre dans un plan qui n'en a pas. Mais d'où vient, d'après vous, que les penseurs chinois ont été, enfin ceux de l'Antiquité, ont été si attentifs au piège de l'éthique volontariste et du culte de l'effort? Qu'est-ce qui, dans cette époque, justifiait ou expliquerait qu'ils aient eu cette interrogation? Il y a plusieurs façons d'aborder la question. J'aurais tendance, comme historien, de regarder un peu les conditions politiques, économiques, dans lesquelles s'est constitué le paysage chinois de l'époque des royaumes combattants, avec une logique de contrôle social extrêmement forte, de centralisation de l'État, de quadrillage du territoire, de structures de commandement très coercitives, d'ambition de chefs d'État territoriaux démesurés dans une dynamique belliqueuse et sanglante. Et je crois que le sort des individus, le sort du peuple a été malmené par des volontés extrêmement fortes de reconfiguration et de la nature humaine et du paysage environnant. Il est évident que ces textes taoïstes sont une réaction exacerbée et radicale à un état de fait qui transforme profondément la société et les modes de vie de façon très concrète à l'époque. Et je crois qu'on ne peut pas dire que les Chinois sont du côté du non-agir ou de la non-volonté. Je crois qu'il y a quelques penseurs chinois qui, au départ, ont formulé un diagnostic extrêmement judicieux sur les nouvelles conditions de vie qui s'instauraient et qui menaient à des formes de contrôle social et de surveillance de l'individu aliénante. Mais est-ce qu'ils étaient écoutés, suivis? Est-ce que cette philosophie a fait en quelque sorte autorité? Ou est-ce qu'elle est beaucoup plus adaptée à ce que nous sommes, nous, aujourd'hui en Occident, qu'à ce qu'étaient les Chinois à cette époque, 4e siècle avant Jésus-Christ? Il y a toujours eu des gens pour suivre ces textes, pour les recopier, pour les commenter, pour se les approprier et pour en donner des variations sur le plan littéraire et poétique, et ensuite pour en fonder des courants religieux, des sectes et des modes de vie tout à fait distincts de celui d'un simple sujet de l'Empire. Mais autorité, non, elles n'ont eu qu'une autorité spirituelle pour une partie de la population chinoise. Sur le plan politique, ces préceptes ont toujours été une sorte de divertissement littéraire. Et ces textes, même s'ils ont fait partie à certaines époques du canon des classiques à apprendre et au moyen desquels les lettrés s'éduquaient, on les enfermait dans une sorte de catégorie de trésor littéraire pour en déjouer l'impact subversif. Romain Graziani, est-ce que pour les Chinois de cette époque, je parle des penseurs chinois, L'idée de mérite à laquelle, en Occident, nous sommes très attachés, avait un sens. Oui, elle a un sens et elle est extrêmement bien soulignée et développée dans des écoles proches de ce qu'on appelle le ritualisme et l'école de Confucius. Bien sûr, le mérite, les accomplissements individuels et tous ceux qui participent du renom. Et encore une fois, les taoïstes combattent cette logique du mérite ou de la rétribution morale par des exercices tout à fait opposés de désappropriation du moi et de toute l'œuvre que l'on peut laisser en ce monde. Mais souvent, on considère que c'est une sorte de pente naturelle de notre entendement qui réclame de voir le monde comme une vaste chaîne causale. C'est-à-dire, je veux telle chose, je mets en œuvre des stratégies pour l'obtenir. Et d'ailleurs, vous citez un proverbe latin qui dit cela, post hoc ergo propter hoc, sous prétexte qu'un événement précède un autre événement, on croit qu'il en est la cause. Et donc, si vous avez réussi, c'est parce que vous avez fait en sorte d'activer des actions qui permettent que vous réussissiez. Or, dans votre critique de la volition, en montrant qu'elle n'est pas aussi automatique et pas aussi efficace qu'on pourrait l'imaginer, qu'est-ce qui reste de cet enchaînement causal, puisqu'on a l'impression que pour réussir, il faut déjouer les causes qu'on attribuerait à la réussite si elle advenait. C'est là où les penseurs taoïstes sont particulièrement malins, c'est qu'ils arrivent à montrer que l'on peut volontairement mettre en place des processus psychologiques ou des processus mentaux qui procèdent à une sorte d'extinction par moment de la volonté. Par exemple, quelque chose de très concret, on arrive à se mettre soi-même dans un état d'oubli partiel de la conscience ou d'oubli radical du monde, pour ensuite revenir à une conscience ordinaire. Donc la volonté, elle va s'adjoindre les ressources, des ressources qui ne font pas partie de la volonté, dans laquelle elle arrive à s'éteindre elle-même sur de longues séquences pour déjouer des embûches qu'elle ne cesse de se dresser elle-même. Vous donnez, au tout début de votre livre, Romain Graziani, vous racontez l'anecdote des goélands, qui est illustrative de tout ce que vous venez d'expliquer. En quoi est-ce qu'elle consiste ? C'est un jeune garçon qui, tous les matins, joue sur le littoral avec des goélands qui viennent se poser à son entour ou se posent sur ses bras et sa tête. Et il joue. Le père du garçon voit cela et demande à son fils, puisqu'il est si malin, de lui rapporter quelques goélands la prochaine fois. Le jeune garçon retourne sur la plage et voit les goélands voler à son entour, mais cette fois-ci, ils s'abstiennent de se poser sur lui ou tout contre lui. Là, effectivement, on peut penser que les animaux ont perçu des micro-signaux qui sont une sorte de manifestation très subtile d'une intentionnalité, d'une sorte de volonté de captation. Et j'essaye de montrer que cette anecdote a un rapport d'illustration avec beaucoup de nos gestes, beaucoup de nos actions, où lorsqu'on parle avec quelqu'un, lorsqu'on essaye de le séduire, lorsqu'on essaye de le convaincre, lorsqu'on essaye d'obtenir quelque chose, notre intentionnalité trahit ce désir de captation et justement procède de façon contre-productive. Vous donnez d'autres exemples, par exemple, si je veux être doux, il faut que je ne le veuille pas. Mais est-ce que c'est spécifique de la pensée chinoise ? Parce que vous citez par exemple Pierre Hadot qui commente un texte de Marc Aurèle, et voilà ce qu'il dit, Marc Aurèle entrevoit, semble-t-il, que la douceur est chose si délicate que même vouloir être doux serait cesser d'être doux, parce que toute affectation détruit la douceur. C'est la même idée. C'est la même idée, et permettez-moi d'être très clair, je n'enferme jamais la pensée chinoise dans une sorte de thèse ou de position spécifique à laquelle j'opposerai ensuite des attitudes proprement occidentales. Je ne construis jamais de rapport d'opposition. Au contraire, j'essaye de circuler entre des pensées très diverses pour montrer que souvent, on observe les mêmes choses, on s'attaque à un même problème, quitte à le formuler différemment. Mais je ne veux pas partir d'une conceptualité différente en disant, alors les Chinois, ils pensent avec le Tao, le Yin et le Yang, pour eux, tout est transitionnel, alors que chez les Occidentaux, tout est massif, tout est ontologique. Donc, voilà. Il n'y a rien de spécifiquement chinois. D'ailleurs, ça part d'une certaine expérience que chacun d'entre nous a pu faire. Vous citez Montaigne, qui essaie de se remémorer un rêve. Il a écrit « Plus j'ahne à le trouver, plus je l'enfonce en oubliance. » C'est la même chose. Oui, c'est une très belle formule. Je l'enfonce en oubliance et qui fait écho à de nombreux textes taoïstes où cette fois-ci, ça n'est pas un résultat négatif, comme chez Montaigne qui se désole de ne pas arriver à attraper son rêve au réveil. S'enfoncer en oubliant, c'est un exercice bienheureux de ressourcement, mais qui demande une longue pratique et une assaise quasi quotidienne. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase qu'on entend parfois? C'est une phrase autoréférente. « Je suis modeste et j'en suis fier ». Oui, ou pour la modestie, je ne crains personne. Est-ce que ça ne renvoie pas à ça? C'est-à-dire que la modestie, c'est une forme de qualité qu'on peut viser, mais dès qu'on réussit à l'atteindre, alors on a un réflexe qui la contredit. C'est toujours la conscience d'une de ces qualités qui détruit cette qualité. J'essaye de montrer qu'on ne peut pas faire des efforts pour être ingénu ou s'efforcer d'être spontané, du moins pas de façon directe. Alors ensuite, je m'attaque au long cheminement, au long détour, pour montrer que la volonté peut quand même mettre en œuvre des processus. Mais comme je pense à cette histoire taoïste où il y avait deux servantes à l'auberge, l'une laide et l'autre belle. Celle qui était belle avait tellement conscience d'être belle qu'elle finissait par être plus laide que sa collègue. Oui. Voilà. Ça me laisse sans voix. Mais Chuang Tzu, qui est votre maître, en tout cas c'est celui que vous citez le plus dans le livre, quel rapport avait-il avec Lao Tzu? Est-ce qu'ils se connaissaient? Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Ils ont vécu à la même époque? Je vais vous répondre de façon très textuelle. Les textes du Lao Tzu datent indubitablement du 4e siècle avant notre ère. Il semble que les textes du Zhuang Zi soient un petit peu postérieurs. Et le Zhuang Zi cite beaucoup le Lao Tzu. Ces versets de sapience énigmatique, ces vers parfois ésotériques, ils sont mis dans la bouche de certains de ces personnages qui en font des commentaires tantôt parodiques, tantôt inspirés, très métaphysiques. Donc le Lao Tzu est une sorte de matière qui se voit travailler dans tous les sens dans le Zhuang Zi. Oui, parce que par exemple, une citation du Lao Tzu que vous rappelez, page 61 dans votre livre, dit à peu près la même chose. Celui qui vous parlez de l'homme politique qui veut paraître grand aux yeux de ceux qu'il dirige. Voilà ce que dit Lao Tzu. « Qui se dresse sur la pointe des pieds ne peut longtemps tenir debout. Qui marche par grandes enjambées n'ira pas jusqu'au bout. Qui s'exhibe pour se faire admirer ne peut briller ni éclairer. Qui se donne raison échoue à s'imposer. Qui vante ses prouesses démérite aussitôt. Qui chante ses louanges aboutit au fiasco. Toutes ces choses, regarde la voix, ne sont que rebuts et rognures et vaines boursouflures. » J'ai traduit ces vers dans un bar en Pennsylvanie, horriblement bruyant, où je n'avais pas d'écran et pas accès à une édition détaillée du Lao Tzu. Ça me rappelle de très bons souvenirs. Étranger au désir de paraître supérieur, il achève pleinement la grandeur, avec un G majuscule. On a toute une problématique, en fait, de la morale authentique. Est-ce qu'on peut être vertueux tout en sachant que l'on agit de façon vertueuse? Est-ce que l'on peut être véritablement bienveillant lorsqu'on fait une bonne action pour faire une bonne action, dans la conscience qu'il y aura une sorte de rétribution ou de gratification morale à faire cette bonne action? Voilà la question que pose Lao Tzu. Lao Tzu qui serait l'ennemi des Boy Scouts, si je puis dire, qui se force à faire deux bonnes actions par jour. Mais une éthique musculaire. Voilà, une éthique musculaire qui est à rebours de la spontanéité agissante, de la vertu qui s'ignore vertueuse. Il y a un de vos chapitres qui s'intitule « La vaine quête du vide ». Est-ce que vous arrivez à penser le vide ou à penser le rien? J'ai envie de faire la réponse de Lanzo del Vasto. Quand j'essaye de penser au rien, je pense à des riens. Oui, penser le rien n'est jamais penser à rien. C'est-à-dire, c'est une idée qui est destructrice elle-même. Dès qu'on pense le rien, on en fait quelque chose que par définition, c'est pour ça ne peut pas être. Oui, la bonne réponse est l'extinction du régime intense de la pensée et de l'intentionnalité constante. C'est ralentir le tempo de la pensée et vider petit à petit les contenus de pensée. Et voilà le rien qui admet. Mais encore une fois, comme une dimension, comme un flux, pas comme un objet de pensée. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas temps de faire un peu le vide, en tout cas dans nos paroles, en écoutant un morceau de musique? Ça dépend ce que nous dira la chanson, mais essayons. C'est vous qui l'avez choisi, vous devrez assumer. We stall France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Romain Graziani, on vous avait demandé de choisir un morceau de musique. Vous avez proposé 7 titres, je crois. Musique classique, chanson plus rock. On a choisi celle-ci, Let the Sunshine par Julie Driscoll. Vous avez des choses à expliquer, à dire sur cette chanson, à part le fait qu'elle vous a donné envie de danser. Voilà, en dehors du fait qu'elle me donne envie de quitter la cabine et de me trémousser, je pense à ces personnages dans les anciens récits taoïstes qui, lorsqu'ils parlent de l'impartialité parfaite du sage, pensent au soleil qui éclaire tous les visages, sans faire de discrimination. Il se dit pas « Non, celui-là, il est moche, je ne le ferai pas bronzer » ou « Celui-là, c'est un gueux, je ne vais pas le réchauffer ». Le soleil éclaire tout le monde, diffuse sa lumière, sans jamais présider à des partages et sans jamais s'amoindrir du fait de partager sa lumière. Je pense aussi à une phrase de Confucius, alors là on est loin de la pop musique, mais qui émet le vœu dans les entretiens, de façon un peu ludique, en disant « Oh, j'aimerais bien m'arrêter de parler. » Alors, on sait pas, je voudrais bien ne plus parler. Alors, on peut prendre ça comme quelque chose de contextuel. Aujourd'hui, j'en ai un peu ma claque. Soyez gentils, mes petits disciples, rentrez chez vous. Mais on peut prendre ça aussi, et c'était pris très au sérieux par les commentateurs, comme une sorte de vœu de silence qui donnerait plus d'ampleur à son expressivité, à son enseignement. Alors, évidemment, comme nous, ces disciples s'affolent en disant « Mais qu'est-ce qui se passe pour nous, qu'est-ce qu'on va devenir si maître, si vous arrêtez de parler ?» Il faudrait qu'il s'explique. Ouais, voilà. Alors, évidemment, Confucius doit parler encore plus, lui qui est toujours réticent à s'expliquer, et livre cette remarque à la fois profonde et à la fois en forme de boutade. Ce que j'aime beaucoup chez Confucius, c'est que tout est épicé d'humour et de bonne humeur. Il dit, mais finalement, le soleil éclaire tous les êtres, il se transforme au gré des saisons et il nourrit toutes les choses qui poussent. A-t-il besoin de parler pour cela ? Il pointe vers l'idée d'une efficience silencieuse qui se dispense de parler tout en agissant de façon continue et discrète. Alors cette remarque de Confucius, elle rejoint bien cette idée de « let the sunshine » et « restons silencieux ». Ça m'amène une question qui surgit comme ça en vous écoutant. Est-ce que les Chinois de cette époque, Confucius ou bien le 4e siècle que vous prenez en référence, se sont intéressés à tenter d'expliquer le fonctionnement du soleil? Comment est-ce qu'ils le représentaient? Comme une boule de feu? Parce qu'on a mis du temps à comprendre d'où vient le soleil. Au 4e et au 3e siècle, le soleil est effectivement une boule de feu. Il y a une anecdote dont on se souvient assez drôle et qui déroute encore aujourd'hui mes étudiants. Ça me fait rire parce que je me dis finalement ils n'ont pas fait de progrès sur le plan scientifique par rapport aux auditeurs ou aux lecteurs de ces textes de l'Antiquité. On voit une querelle entre deux personnes et la première dit... le soleil, il nous réchauffe plus quand il est prêt, au moment où il se lève, parce qu'il est plus gros. Et quelqu'un dit non, il nous réchauffe au contraire quand il est plus loin, quand il est tout là-haut dans le ciel. Et l'autre dit c'est pas possible puisque le soleil est plus petit, donc on bénéficie moins de sa chaleur. Voilà. Alors s'ensuit toute une querelle, évidemment, qui est fondée sur une vision assez primitive du soleil comme une sorte de grosse boule de feu qui est près de la Terre et puis qui s'éloigne au cours de la journée. Mais il a fallu des millénaires pour résoudre ce problème, montrer qu'il y a des réactions nucléaires qui font qu'à la fin il y a de la lumière qui est émise, mais c'est pas simple du tout. Oui, mais en l'absence d'une vision nette, ça n'a pas empêché les penseurs taoïstes de jouer sur les paradoxes du sens commun. Romain Graziani, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire votre livre, pour votre façon d'écrire, pour le sujet dont vous parlez, mais aussi par la diversité de vos références. J'ai été étonné de voir que vous citiez assez longuement Agassi, le joueur de tennis. Qu'est-ce qu'il vient faire là ? André Agassi, qui m'a toujours beaucoup, sans jeu de mots, pardonnez-moi, agacé jusqu'à l'âge de 18 ou 20 ans, est retombé dans mes bras, si je puis dire, lorsque j'habitais New York et que j'étais à l'US Open et j'ai rencontré un commentateur sportif qui m'a... qui m'a enjoint de lire ses mémoires qui ont été très bien travaillées avec un écrivain de talent. Et j'ai regardé parce que je suis de toute façon un fan de tennis et que là-bas je jouais tous les jours. Et j'ai retrouvé de façon très adroite tous les paradoxes que j'essayais de cerner dans mon livre. Agassi joue au tennis, il rencontre un entraîneur, Brad Gilbert, qui lui dit faut arrêter d'essayer de gagner tous les points et de faire des winners, des balles gagnantes et d'avoir un jeu parfait. Il faut juste faire perdre l'autre et remporter tel nombre de jeux pour gagner un match. Et Agassi, qui joue avec une autre approche, est un peu déconcerté et accepte momentanément de renoncer à avoir à la perfection, de jouer à la perfection. Et il s'agace parce que ça ne marche pas. Il se dit justement, puisque j'ai renoncé à la perfection, pourquoi est-ce que je ne l'atteins pas ? Et j'ai trouvé qu'il y avait une remarque assez amusante et assez profonde qui nous signalait que les choses n'étaient pas aussi simples qu'on voulait. C'est pas parce qu'on renonce consciemment à quelque chose qu'on va l'obtenir. Hein. C'est pas parce qu'on renonce à se souvenir d'un nom ou qu'on renonce à se souvenir d'un rêve que le nom ou le récit onirique vont surgir tout d'un coup. Même chose, puisque j'ai renoncé à bien jouer, pourquoi est-ce que mon corps spontanément ne joue pas mieux ? Eh bien non, Agassi épingle ici cette logique que j'ai appelée la logique du pseudo-désintérêt, mais je crois que la formule est de John Elster et elle est extrêmement utile pour comprendre que nos petites stratégies, nos petites machinations ne marchent pas parce que il y a une seconde conscience derrière la première qui continue de s'agiter. Tout comme dans l'insomnie, où on se dit, puisque je ne dormirai pas, je vais faire autre chose, avec l'idée secrète qu'on va bien finir par s'endormir puisqu'on a renoncé à dormir. Alors on va le citer puisque en fait il a analysé sa défaite après avoir perdu contre un Allemand à la Coupe Davis, je crois. L'Allemand s'appelait Steb, il dit ceci: je fais de lui, de Steb, un meilleur joueur qu'il n'est en réalité, parce que dans ma tentative d'être parfait, j'essaie de renvoyer des coups bien plus puissants que nécessaire. Ensuite il change d'entraîneur, il voit que ça ne marche pas comme vous l'avez expliqué. Il dit ceci: je fais confiance à Brad, l'entraîneur, je sais que ses conseils sont justes et je fais tout ce qu'il me dit de faire. Pourquoi est-ce qu'à présent je ne gagne pas mes matchs? Puisque j'ai renoncé à être perfectionniste, pourquoi est-ce que je n'atteins pas la perfection? Vous n'avez pas assez lu Sun Tzu? Peut-être qu'il le lit aujourd'hui, maintenant qu'il a plus de temps. La difficulté, c'est d'arriver à se mettre dans une position où on dépasse l'alternative. Jouer parfaitement ou jouer sans se poser de questions. C'est à peu près la même chose, j'essaie d'expliquer avec une image très simple, lorsqu'on se dit, par exemple, on est poursuivi par un monstre dans un cauchemar. Et alors on peut soit essayer d'affronter le monstre, soit tourner les talons et courir le plus vite possible. Hein. Mais tout ça ne vaudra pas, vaudra moins que la solution qui est une solution, une méta-solution, qui est de se réveiller de son cauchemar. Eh bien, j'essaie de montrer que ce type de dépassement est une solution toujours souhaitable quand on s'enferme dans une alternative, en pensant que le contraire va apporter la solution. C'est ce qui se passe avec Agassi. Bon, je veux jouer parfaitement, ça ne marche pas, et mon entraîneur me dit que je ne progresserai pas comme ça, donc je renonce à jouer parfaitement, et on se met dans la tête qu'on ne va pas jouer parfaitement, avec l'attente prédéterminée que on va avoir des résultats satisfaisants. Là encore, on est prisonnier d'une alternative. Il faut pratiquement oublier qu'on veut un résultat, il faut se retrouver dans une logique, on n'est même plus celle de l'entraînement où on guette les résultats, pour arriver à libérer quelque chose en nous qui nous porte au-delà de l'expectative. C'est très difficile, et il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, alors pourtant, quand on vous écoute, et j'imagine qu'on doit souvent vous poser la question, que ça doit vous agacer, est-ce que ce que vous venez de défendre, c'est pas la promotion d'une forme de ce qu'on appelle, dans les entreprises ou dans les cabinets de bien-être, le lâcher-prise? Alors j'ai essayé dans ce livre de dire que c'est pas ça. En tout cas de me démarquer d'une certaine littérature de sagesse, de développement personnel et de conseils qui culmine dans cette éthique du let it go, lâcher prise et qui fait l'éloge d'une sorte de non volonté. J'essaie de montrer que c'est quand même un écueil et c'est à peu près aussi impensable en fait que le vide, essayer de dire faire le vide sans savoir exactement ce qu'on entend par le vide. En fait, je suis quelqu'un qui suis assez volontaire, mais j'essaie de faire un usage intelligent de la volonté qui intègre les ressources du vide, mais le lâcher prise, pour moi, il n'est pas de toute façon une action volontaire. On ne peut pas dire à quelqu'un il faut lâcher prise. Il faut que les prises soient lâchées et reprises à certains moments de l'activité, et ça n'est pas nous qui décidons comme ça se fait. Le lâcher prise, on ne lâche pas prise comme on décide de faire un régime ou de faire du yoga. C'est un peu l'erreur quand c'est prodigué sous la forme de conseils ou de recettes. Vous savez que cette émission s'appelle la conversation scientifique, ça veut dire qu'on va parler un peu de science. Ça tombe bien parce que vous citez assez longuement deux grands mathématiciens dans votre livre. Le premier, c'est Raymond Poincaré. Non, pardon, c'est Henri Poincaré. Et l'autre, c'est Grothendieck, grand mathématicien également. Et Henri Poincaré a beaucoup réfléchi au mécanisme de la découverte en mathématiques, et vous le citez à ce propos. Mais avant, je voudrais lire un extrait dans lequel il raconte comment, après des mois et des mois de réflexion sur la géométrie algébrique, ce qu'on appelle les fonctions fouxiennes, il a eu une sorte d'eureka silencieux. En fait, il raconte qu'il a passé des journées à boire du café, à tenter de faire des démonstrations pour montrer que ces fonctions automorphes avaient des propriétés particulières. À chaque fois, il se rendait compte que les démonstrations étaient fausses. Et puis, il a fini par lâcher l'affaire. Il a accepté de participer à une course géologique organisée par l'école des mines. Et voilà comment il raconte son aventure. « Les péripéties du voyage me firent oublier mes travaux mathématiques. Arrivé à Coutances, nous montâmes dans un omnibus pour je ne sais quelle promenade. Au moment où je mettais les pieds sur le marchepied, l'idée me vint, sans que rien dans mes pensées antérieures parût m'y avoir préparé, que les transformations dont j'avais fait usage pour définir les fonctions fouxiennes étaient identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Je ne fis pas la vérification. Je n'en aurais pas eu le temps, puisqu'à peine assis dans l'omnibus, je repris la conversation commencée, mais j'eus tout de suite une entière certitude. De retour à Caen, je vérifiais le résultat à tête reposée pour l'acquis de ma conscience. » Et un peu plus loin, il dit « Ce qui frappera tout d'abord, ce sont ces apparences d'illumination subite s'il manifeste d'un long travail inconscient antérieur. Le rôle de ce travail inconscient dans l'invention mathématique me paraît incontestable. » Fin de citation. Est-ce que vous connaissiez ce texte et est-ce qu'il fait écho à ce que vous dites dans le livre sur le fait que pour contourner les obstacles intérieurs, il faut en fait prendre un chemin de traverse? Je connaissais ce texte parce que Étienne Klein m'en avait parlé il y a une vingtaine de minutes. Un peu plus. Oui, un peu plus. Il y a peut-être au café. Voilà, au café. Il est très beau. Il rejoint ces développements que je cite pour constituer une sorte d'esquisse de la phénoménologie de l'invention scientifique. Ou ce que j'apprécie beaucoup chez Poincaré, c'est que il y a un effort de description au plus près des processus psychiques et physiologiques de la découverte. Je ne suis pas sûr qu'il réfléchisse avec toujours les concepts les plus adaptés. Il prend ce que la psychologie ou la science de l'époque lui fournit comme mot. Alors il essaye de parler de l'inconscient, de l'illumination, mais il essaye surtout d'attirer l'attention du lecteur sur les conditions en amont de cette illumination. Il ne se prétend pas touché par la grâce ou par une sorte de muse qui l'inspirait. Il essaye de comprendre comment les phases de latence, de repos et de passivité ont été cette phase de gestation fertile d'une idée qui, d'un coup, se découvre et se manifeste de façon évidente à sa conscience. Ce processus, il me semble d'autant plus admirablement bien dit qu'il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour voir éclairer tout un pan de l'expérience quotidienne. Et même chose chez Grothendieck. Alexandre Grothendieck, alors que dans Récolte et Semaille, il dit qu'il y a finalement deux sortes d'approches, et il prend l'exemple, l'analogie d'une noix grosse et lisse qu'on désire casser. La première approche brutale, on prend un burin et on tape dessus. Et elle finit par céder assez rapidement, en général. Et puis l'autre approche, qui est plus féminine, qui consiste, par exemple, à laisser tremper la noix dans un liquide, dans de l'eau, et attendre qu'elle se ramollisse. Oui, cette lente macération et de la noix, c'est une façon d'utiliser des processus naturels au lieu d'imprimer une force ou une contraction musculaire pour casser la noix. Hein. Si Grothendieck faisait de la philosophie, il n'en ferait pas à coup de marteau, à coup sûr. Et il est lui-même très inspiré par la pensée chinoise ou par ce qu'il connaît de la pensée chinoise, puisqu'il thématise ses différentes approches en mathématiques sous les catégories de yin et de yang. Oui, il a écrit, il a intitulé un chapitre « La clé du yin et du yang ». Oui, c'est un ouvrage quand même très très spécial. Il fait quand même 1000 pages de développement. Certains sont quand même assez étonnants ou détonnants. Et des fulgurances. Oui, avec des fulgurances, mais aussi des comptes à régler avec ses collègues universitaires. Enfin, il y a de tout. Hein. C'est récolte et semaille. C'est un vrai bouillon de culture. Mais là, il parle des mathématiques. Est-ce qu'en philosophie, on pourrait dire que ces deux approches se retrouvent chez certains auteurs? Il serait intéressant de faire un livre pour comprendre comment justement les philosophes travaillent, combien de temps ils s'interrompent, s'ils font des siestes dans leurs réflexions, ce qu'ils trouvent à la faveur du sommeil. L'un de ceux qui nous aiguille le mieux, c'est quand même Paul Valéry dans ses cahiers, qui repère les moments de veille, d'activité, ces états transitionnels entre la veille et un léger endormissement, où des idées s'agitent, vrombissent, où il est parfois possible de les saisir au vol, où parfois elles se développent sans qu'on puisse les capter. C'est une des expériences les plus intéressantes sur le processus créateur. Alors Albert Einstein lui aussi s'est exprimé sur la façon dont certaines idées lui sont venues. Il disait qu'il a, à la fin de sa vie, il a expliqué qu'il avait une pensée musculaire. Alors évidemment, vous contestez l'éthique musculaire, mais lui disait que les idées lui viennent dans des rêves semi-éveillés. Il est conscient, mais pas complètement. Et dès qu'une idée qui lui paraît intéressante apparaît, il a suffisamment de conscience pour la capter. Et ce sont des situations dans lesquelles il met en scène son propre corps. Et les images qui lui viennent sont non-verbales. Et c'est tout un travail ensuite de passer des images qu'il a eues à une transposition écrite sous forme d'équations, sous forme de phrases. Et c'est des situations dans lesquelles il n'a pas le désir de trouver. Mais il se trouve que au cours d'une sorte de sieste semi-consciente, il parvient à mettre son état d'esprit dans un régime de flottaison qui permet aux idées neuves d'apparaître. Oui. Ça relève moins de la prouesse musculaire que de la chasse aux papillons, cette espèce de captation d'idées comme ça que l'on attrape dans un état de détente et puis qu'ensuite on met dans son herbier petit à petit. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui dans les entreprises proposent des discours qui sont de plus en plus semblables à des injonctions paradoxales? Soyez créatifs, soyez spontanés, libérez votre créativité, etc. Qu'est-ce que j'ai à leur dire? J'ai envie de vous dire... Alors, qu'est-ce que vous dites au père de famille qui dit à son fils un peu avachi à l'âge de l'adolescence, tiens-toi droit? J'ai déjà plus envie de réagir. Bon, pour reprendre les conseils que l'on peut donner sur la créativité, toute cette espèce de culture d'entreprise qui mélange des conseils New Age à des impératifs de productivité ou d'efficacité, je n'ai pas grand chose à dire. Je regarde ça d'un œil amusé comme des créatures derrière un aquarium. Ensuite, je pense que je peux avoir une discussion peut-être plus fertile en face à face avec quelqu'un qui explique effectivement à ses enfants d'un ton brutal, tiens-toi droit. Sachant qu'en fait c'est assez symptomatique d'une attitude que l'on veut imprimer à ses enfants, au sens où on imprime un mouvement dans un corps. Et là, effectivement, j'essaye de montrer toutes les contradictions que l'on a, comme si le fait de se tenir droit dépendait de la volonté et du mérite d'un enfant qui, lorsqu'il est avachi, renoncerait à bien se tenir, renoncerait à tout effort, alors qu'il est dans une sorte de malaise et de méconnaissance de son corps sur lequel on n'éclaire pas du tout. On lui dit « tiens-toi droit » comme on lui dirait « passe-moi le sel » ou « resserre-toi de soupe », alors que la position droite est le résultat d'agencements complexes qui demandent une certaine connaissance de son corps, un certain usage, une certaine pratique sur lesquelles on laisse les enfants complètement démunis. L'enfant qui va essayer de se tenir droit, il va se crisper, il va se fatiguer, il va finir plus avachi que jamais quelques minutes après l'injonction. Alors je connais très mal la pensée chinoise, Romain Gradiani, vous en êtes rendu compte. Mais quand même, j'ai lu ici ou là que la question de l'origine, de l'univers, cette fois, ne se pose pas pour les Chinois parce que la transition, la séparation qu'en Occident nous faisons entre le non-être et l'être n'a pas de sens chez eux. Bon. La raison, c'est que le Tao, ou l'équivalent du Tao, serait une sorte d'intermédiaire entre le non-être et l'être. De sorte que ce qu'on appelle nous l'origine, c'est la transition absolue entre le non-être et l'être. Parce que si on dit qu'à l'origine il y a quelque chose, on contredit l'idée d'origine. Soit cette chose a toujours été là et il n'y a pas d'origine, soit elle n'a pas toujours été là et c'est pas l'origine. Et donc, est-ce que c'est vrai que les Chinois n'ont jamais pensé la transition radicale entre l'absence de toute chose et l'apparition d'une première chose? On aurait tort de penser que les Chinois, à travers les époques, ont tous pensé la même chose, notamment sur l'origine de l'univers ou sur le passage à un univers visible, organisé, avec des corps et des mouvements. On trouve en fait dès l'Antiquité pas mal de textes qui nous expliquent comment l'univers est né d'une décharge dans un grand vide qui a donné lieu à l'unité primordiale qui s'est scindée et à travers un processus de différenciation sont arrivés l'espace, le temps, les saisons, les différents êtres avec les règnes végétaux, animaux et humains. On trouve des textes de cosmologie qui font on trouve des cosmogénèses quand même. Non, je connais ces textes. Alors mais ça part jamais de rien. Il y a toujours quelque chose qui était là avant, il y a toujours un déjà là primitif. On dit il y avait un vide où il y avait le un sans que l'on s'interroge ensuite de façon théorique sur ce que cela signifie. Bien sûr, mais on décrit des processus d'apparition de l'univers et d'autres penseurs comme Zhuang Zi disent que l'origine de l'univers, elle est inassignable, que le Tao a toujours été là et qu'il est cette chose pour lesquelles il n'y a ni dehors, ni dehors, ni limite, ni centre. Donc on a des récits de la naissance de l'univers, souvent contradictoires, ou souvent repris et déformé et retravaillé, on n'a pas une pensée uniforme en disant les Chinois pensent comme ça. Alors j'ai essayé de trouver une définition du Tao, je vais vous la lire et vous me direz si elle convient au sinologue que vous êtes. Le Tao est un pur indéterminé, un insaisissable qui n'est pas soumis à transformation. Il est sans être tout à fait, incréé, muet, vide, éternel. Néanmoins, c'est parce qu'il est en dehors de l'être et soustrait à la mutation des formes que le Tao est créateur. En retrait du monde, il est ce par quoi les choses sont. Il ne se manifeste que dans ses résultats, les phénomènes, sans que jamais les processus et les formes de son action ne soient visibles. Son mode d'action est imperceptible, secret, mais il circule partout sans se lasser jamais. C'est ça, le Tao ? Oui, alors sans se lasser jamais, c'est un peu ce que vous dites dans votre livre à propos de la soi-disant horreur que la nature aurait du vide. Je repense à cette citation de Blaise Pascal, on ne va pas commencer à attribuer des affects ou des dispositions psychologiques au Tao. La citation est largement juste, je ne veux pas sauter dessus et la décortiquer. Simplement, les processus, les transformations, elles sont quand même à l'œuvre, on les voit. Quand vous regardez une source qui s'évapore, qui devient nuage, le nuage qui libère la pluie et qui féconde la végétation, on est dans un cycle de transformation tout à fait visible. Ensuite, il y a des transformations à divers degrés. Certaines sont subtiles et invisibles, d'autres frappent l'œil et l'oreille du plus sourd ou du plus aveugle. Alors pour terminer cette émission qui malheureusement arrive à sa fin, j'aimerais que vous lisiez justement une citation de Chuang Tzu, que vous avez placé à la toute fin de votre ouvrage, L'usage du vide, Romain Graziani, parce que j'ai l'impression qu'elle résume de façon éloquente le propos que vous avez brillamment tenu dans cette émission. Merci. Juste avant de lire la citation, je voudrais dire que c'est ce que j'apprécie aussi chez un auteur comme Maître Zhang, c'est que c'est le classique des anti-classiques. C'est l'antidote à la sagesse facile. C'est le une sorte d'immunisation contre tout ce qui pourrait ressortir à des préceptes, à du catéchisme ou à du prêche. Et là, Maître Zhuang a toujours pour souci de prévenir la tentation d'ériger tout ce qu'il dit en des règles, en des préceptes qui donneraient lieu à des commentaires et à des attitudes trop dociles. Je vous lis ce petit passage avec ce préambule oratoire. Ne joue pas au maître des noms, ne fais pas de ton corps un bureau à projet. Ne te prends pas pour la personne en charge, ne laisse pas ta conscience jouer les propriétaires. Fais corps avec l'infini, ébats-toi en restant invisible, déploie pleinement ce que tu as reçu du ciel, sans chercher à voir ce que tu en retireras. Demeure vide et voilà tout. Les hommes parfaitement accomplis se servent de leur esprit comme d'un miroir. Ils ne vont pas au-devant des choses, ni ne se laissent entraîner. Ils n'emmagasinent rien, étant pure réactivité. C'est ainsi que l'on peut avoir prise sur le dehors, sans se laisser nuire. Merci beaucoup, Romain Gradani. Vous dites, enfin, vous citez donc le Chuang Tzu qui dit « Ne fais pas de ton corps un bureau à projet ». Est-ce que vous avez des projets ? Quels J'ai beaucoup de projets, mais ils ne sont pas dans mon bureau. Merci à vous, Romain Gradiani, d'être venu à la Conversation scientifique. Je recommande la lecture de votre ouvrage, L'usage du vide, qui vient de paraître aux éditions Gallimard. C'était la Conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Alain Joubert et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains. Thank you.